5 minutes sur Fun, c'est toute la team de l'Happy World. On dirait que vous allez retrouver nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Et puis vous le savez juste avant, Fun Radio première sur les nouveautés. Ah ben, je vous le prends une fois de plus cet après-midi. Clean Bandit pour se quitter maintenant. Fort, le nouveau Clean Bandit avec Louisa Johnson. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean, as they floated in the breeze. They were falling in slow motion, and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. Bienvenue sur Fun Radio. Dans un instant, on va se faire le son de Maître Gims avec Zoom Zoom. Ça sera juste après les infos avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Premier sommet européen aujourd'hui et demain à Bruxelles, depuis le fameux référendum de jeudi dernier au Royaume-Uni, dont les résultats ont traumatisé le vieux continent. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 vont demander au Premier ministre David Cameron de déclencher au plus vite la procédure de divorce, vu que le marché déteste l'incertitude. Les bourses ont d'ailleurs solidement reculé depuis jeudi. Et ce sont une nouvelle fois les banques qui ont le plus morflé. Les Britanniques essaient bien de les rassurer, ces marchés, en insistant sur leur capacité à surmonter la crise. Mais c'est Cameron lui-même qui, pendant la campagne précédant le référendum, n'avait pas arrêté de dire qu'un Brexit serait une catastrophe économique. Difficile après ça d'être crédible en tant que pompier essayant d'éteindre le feu. Les dirigeants européens, eux, par contre, vont devoir les jouer, les pompiers, et faire en sorte que les flammes ne gagnent pas d'autres pays. Comprenez que ce qui s'est passé au Royaume-Uni ne doit pas se passer ailleurs, vu qu'en Europe, ce ne sont pas les forces centrifuges qui manquent, avec le succès des partis populistes europhobes un petit peu partout. Pour éviter la contagion, il va donc falloir donner une nouvelle impulsion au projet européen, quelque chose de suffisamment sexy pour que les citoyens que nous sommes aient envie de le soutenir. La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que des avancées étaient envisagées dans les domaines de la défense, de la croissance, de l'emploi et de la compétitivité. Ça y est, c'est les vacances, ou quasi, pour les élèves qui ont terminé l'année scolaire. Des vacances qui, souvent, sont synonymes de travail pour ceux qui choisissent cette période de l'année pour se faire des thunes. Et à ce sujet, le prestataire de service Randstad fait remarquer que 18% des students travaillent au noir et c'est carrément 30% chez les mineurs. Ça concerne surtout l'horeca et les loisirs. Même que ça surprend un petit peu Randstad, pour qui les risques courus par ces jeunes et par leur employeur ne se justifient plus, vu les avantages accordés depuis les changements de législation en cette matière. On a effectivement assoupli la réglementation du travail étudiant. Mais bon, faut croire qu'il est difficile de renoncer à de vieilles habitudes. Football avec les derniers huitièmes de finale de l'Euro 2016. Hier, deux matchs qu'on peut résumer en deux mots, revanche et Brexit. La revanche, c'est celle de l'Italie sur l'Espagne, 4 ans après la déroute des Italiens en finale de l'Euro 2012, 4-0. Hier soir, les troupes de Conte ont parfaitement maîtrisé la rencontre, hein, s'imposant par 2-1, le même tarif en fait que celui infligé aux Diables Rouges. Je rappelle qu'en début de tournoi, on disait que l'équipe italienne était la moins bonne depuis 20 ans, mais j'ai toujours remarqué que c'est quand on ne l'attendait pas qu'elle réalisait ses meilleures performances. Et puis le deuxième mot, c'est donc Brexit. 4 jours après que les Britanniques aient décidé de quitter l'Europe, c'est l'équipe nationale anglaise qui a quitté l'Europe suite à son humiliante défaite face à l'Islande de 2-1. L'Islande, le pays des sagas, et à présent celui des contes de fées. Aujourd'hui et demain, on fait relâche avant les quarts de finale entre jeudi et dimanche. Fun Radio. Il y a le son de Maître Gims qui va arriver dans un instant sur Fun Radio avec Zoom Zoom. Je vous ai calé aussi Mike Posner pour se mettre dans l'ambiance des vacances. Et bah justement, côté météo, Carlos, ça dit quoi? Est-ce qu'il va faire beau? Une petite vingtaine de degrés toujours demain avec un temps qui en principe devrait rester sec même si les nuages seront toujours dominants. Voilà, tous un très bon début de soirée. Je vous retrouve dans une heure. Et vous laissez avec Audrey et le son de Maître Gims. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Et ton fils, bless, bless, m'as-tu dit, Ribéry, Benzema, Benzema, oh, Pogba, Pogboum. And what are we, what I know? Elle a jeté son cœur dans le fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dansé dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de notice, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Pagani, Bugatti, Bugatti, Bugatti, Bugatti, Bugatti. Porsche Panamé, Panamé, Panamé, Porsche Panamé, Panamé, Berlin, Berlin, Berlin, ma Berlin, Berlin, Berlin, ma Berlinetta, Berlin, Berlinetta, Berlin, ma Berlinetta, Berlin, ma Berlinetta, veneno, veneno, veneno, veneno, veneno. Sortez du boulot. Les enfants hurlent à l'arrière de la voiture. Vous êtes bloqués dans les embouteillages. Pas de panique. Branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey. Ça commence maintenant sur Fun Radio. Yes, ça commence maintenant sur Fun Radio. Oh là là là là. Et ça commence... Deux mots, une faute. Bravo. Et ça commence très mal. On est là avec vous jusqu'à 20h avec toute l'équipe qui est là. Il y a Kéké du Standard. Oui. Il y a le Fab. Maman. Il y a le Sandro ici qui est là. Bonsoir. Et alors, je tiens tout de suite à émettre une petite protestation. Émettre. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe dans ce studio parce qu'on est en direct du club Bellambra de Seignos. On n'est pas en direct de Bruxelles, on est au soleil avec des auditeurs qui ont remporté un voyage, donc il y a un petit problème dans ce studio. Voilà, je ne commencerai pas cette émission tant que Sandro ne met pas un t-shirt. Oh merci quoi, il est à poil depuis tantôt, j'en ai ras le bol. Désolé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le gars, il a cru que c'était vraiment les vacances quoi. C'est les vacances, c'est non, du soleil. Non, non, c'est pas les vacances, on bosse monsieur, donc tu vas me mettre un t-shirt, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, t'es jaloux. T'es poilu de ouf. Ouais, ouais. Si tu mets pas t-shirt, tu te brosses les sous-bras. Ouais, oh, c'est le minimum. T'aurais pu faire une petite coiffure, enfin, tu vois, une tresse, quoi, un truc, fais quelque chose quoi. Mais oui, voilà. Je n'ai plus rien à dire. Je cherche une brosse. Lundi, on a découvert que Fab avait le deuxième orteil plus long que le premier. Voilà. Et puis Sandro, aujourd'hui, on découvre qu'il a des poils méga longs sous les bras. Ouais, c'est des cheveux, on appelle. C'est des cheveux. Eh ben, j'aurais appris beaucoup de choses sur je mon équipe aujourd'hui. Bon, j'espère que vous, de l'autre côté de la radio, ça se passe bien. Dernière ligne droite avant les vacances. Bon courage à vous. J'espère que vous allez bientôt prendre des vacances. D'ailleurs, c'est quoi votre programme, dites-moi, 30-44 pour vos petits messages. Vous allez faire quoi? Parce que hey, les gars, il reste plus beaucoup de jours d'émission là. Ça y est, ouais. C'est là le top chrono, il est lancé. Vendredi, c'est la dernière émission. Après, on part en vacances pendant 2 mois. Et oui. On vous entendra plus, on vous verra plus, on ne pourra plus rien faire avec vous pendant 2 mois. Je trouve ça méga long. Mais moi, quoi. Je vais en profiter. Tu vas faire quoi, toi? Moi, je vais un mois en Thaïlande. Je te déteste. Non, mais vraiment, je déconne, c'est j'ai toujours rêvé de dire ça un jour. Ah, d'accord, mais, ouais. Mais non, je serai à Bruxelles. Hein, ouais, c'est cool aussi. Hein. Dans mon appart, au fait. Si tu fermes les yeux très fort, c'est un peu comme si c'était en Thaïlande. Ouais, je vais commander asiatique tous les jours. Le kéké du Standard, il va faire quoi? Bah, moi, je vais aller en Espagne. Ah, ouais, Espagne. Ouais. Si. Espagne, alors, si. Tu vas aller pleurer avec eux la défaite du match? Bah, et toi, Sandro, c'est quoi le programme? Mais je pars aussi une semaine en Espagne. Mais vous avez vraiment la belle vie. C'est moi, je reste en Belgique et moi, je pars pas. Et voilà. Genre, tu pars pas? Non, je pars pas. Je reste avec Fab. On va passer nos journées entières à Bruxelles, ça va être oui, de toute beauté. On va peut-être pas être ensemble tout le temps. Non, on, okay, on s'est quand même supporté pendant une année, il faut pas déconner non plus, oui. Les gars. Bon, d'ailleurs, en parlant de l'équipe, j'ai un petit dossier à vous balancer sur le kéké du Standard. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'au club Bellambra, duquel on est là en direct ici à Seignos, il y a des activités tous les soirs. Hier, c'était un quiz. C'était le n'importe quiz. Et kéké du Standard a fait quelque chose qui m'a, pour une fois, impressionné. Vraiment, je peux le dire. Il a fait ça, lui? Oui, il a fait ça. Ouais, je vous explique. Juste, non. Il a gagné des cocktails. C'est pour oui. ça que t'es impressionné. On a gagné le match face à plein d'équipes. Grâce à lui, on a eu des cocktails. Je vais vous expliquer ce qu'il a fait dans un instant. Mais d'abord, comme promis, on se met dans l'ambiance des vacances avec le son de Mike Posner sur Fun Radio. Il y aura aussi DJ Snake et Lil John. En fait, j'allais dire Lilon. Mais non, ce n'est pas ça non, du non. tout. On aura aussi du cadeau pour vous. On vous oublie pas hein, de l'autre côté de la radio, puisqu'on vous file l'Urol. C'est une enceinte en fait, qui vous permet d'écouter de la musique pendant vos vacances. Mais genre où vous voulez, que vous soyez dans l'eau, sur terre, peu importe, je vous explique comment choper ça juste après le son de Mike Posner. Welcome tout le monde. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad soul. Darling, oh, I name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad songs, sad song, darling. All I know are sad songs, sad songs. Là sur Fun Radio en mode dance floor jusqu'à 20h et on continue avec Duro. Je vous ai calé aussi le tout nouveau son d'Axwell et Ingrosso, ça c'est ce qui arrive côté son dance floor. Et je vous ai dit que Kéké, le Kéké du standard, ouais, l'officiel, le seul, l'unique au monde. Heureusement. Oui, heureusement, c'est vrai, mais on l'adore notre Kéké national. Il a fait quelque chose hier au club Bellambra. Et ben d'assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y avait le n'importe quiz. C'est un jeu qui est organisé ici au club, voilà, pour tous les gens qui sont ici. Passer le temps et picoler au bar. Voilà, c'était un peu le concept du truc. Et il y avait un jeu qui demandait d'essayer de tenir une note un maximum de temps. Vous savez, avec le chant de Luis Mariano, Mexico. Ah oui, Mexico. Et c'était important de faire le co à la fin. C'était une petite règle particulière. Ouais. Et Kéké, tu as fait combien? T'as tenu combien de temps? 18 secondes. 18 secondes. Est-ce Alors, j'ai dit ça tout à l'heure à un pote qui m'a appelé. Il m'a jamais cru, quoi. Il m'a fait ouais, ça va, laisse tomber. Est-ce que Fab, t'as essayé de le refaire, toi, dans la chambre? C'était no way. Moi, hein. Je crois que j'ai fait 3 secondes et demie. Mais c'est ça. Et franchement, il a épaté tout le monde, quoi. Même les vacanciers, ils l'ont applaudi et tout. C'était la star, Kéké. Ouais, le pire, c'est que j'étais passé en premier, donc tout le monde avait la pression après. Carnel, il est tout fier. Ouais. Ça reste juste un jeu de club, hein. Calme-toi, ouais, Kéké. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien réitérer l'exploit pour les auditeurs, ouais, pour prouver que c'était vrai quand même? Et après, okay, pour tous ceux qui écoutent l'émission, on va se faire un battle. Vous allez essayer de battre Kéké, celui qui y arrive. Je vous le jure, je lui file un de ses cadeaux Fun Radio. Parce que franchement, hier, personne n'a réussi à battre Kéké. On peut jouer aussi, ouais, dans l'équipe. Mais je me dis qu'il y a bien un auditeur qui écoute l'émission qui est capable de faire mieux que Kéké. Donc, on va voir. On refait le truc. Kéké, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Attention, à toi. Mexico, Mexique. Ah, mes oreilles. Ce qui est bien, c'est qu'il ferme les yeux. Il est en pause là. La vache. Attends, il fait encore plus qu'hier. Quelqu'un veut boire? Attends, il fait encore plus. 28 secondes! Ouais. Olé. Et Kéké vient de faire 28 secondes, ah, les gars! Ça veut dire que j'ai battu le score de Bellambra? Oui! Parce que c'était 28 aussi! Oui! Voilà, Kéké! Ouais. Magnifique ça! Tu l'as égalisé! Ouais! Ah ouais. C'est quand même pas mal! Non, bah attends, vas-y, attends juste pour rigoler 2 secondes, Fab, essaye de le faire! Vas-y, attention, c'est à toi! Hein. Mexico, Mexi! Ah, d'accord, super. Combien de secondes, Sandro? 6 secondes. 6 secondes, magnifique, on applaudit Fab. Ouais, pas magnifique. Plus, t'es sûr? Non, mais la plus longue, on va dire. Non, ça fait donc 6 secondes pour Fab. Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux que Kéké? Si vous y arrivez, je sais pas, ça me semble impossible, mais je me dis qu'il y a quand même bien quelqu'un qui va y arriver de l'autre côté de la radio. Vous vous inscrivez, vous m'envoyez Mexico par SMS au 3044 et on se fait un petit battle juste après le son de D-Row, c'est Bailar sur Fun Radio. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah, super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff, là, pour débuter l'émission, Laura. Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Ah, est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon est là. Je crois qu'on a trouvé Homer Simpson de Charleroi, là. Car ce soir, à 23h, pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space, avec Mike, le soir sur Fun Radio. Quick! Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce Giant. Ah, Giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. Mmh, on peut prendre les deux? Gourmande. Mmh. Quick, le goût d'en faire plus. Quick! Ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. C'est bon. C'est quoi? Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio, hein. On ne comprendrait pas ce qu'ils disent. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Fun Radio. Fun Radio. Stay. But I don't need you, and you should know that, baby. It'd take a miracle for you to really try and change me. Then I felt sorry for the look on your face, so I stay. Thank you.

total lots of bliss. A kid again, total lots of bliss. Pour la première fois, c'était le nouveau son d'Axwell et Ingrosso. Et on va se mettre dans l'ambiance des vacances avec Souf, Mi Amor, qui arrive sur Fun Radio. Mais avant ça, c'est parti pour la battle de l'émission aujourd'hui. Oh yeah. Puisque si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, j'ai expliqué qu'hier soir, le kéké du standard a impressionné toute l'équipe et même tous les vacanciers qui sont tout ici au club Bellambra de Seignos. Mais limite, ouais, ils auraient pu faire un reportage sur lui tellement les gens se sont levés, c'était la folie. T'as pas regardé le JT de TF1 à 13h? Il est passé et tout. Il est passé dedans. On pourrait l'inscrire à la France, à un incroyable talent. Mais ouais, franchement, ça devrait être un jour férié. Tellement c'est exceptionnel ce que t'as fait, Kéké. Excusez-moi, gros, est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Un peu, c'est pas grave. En gros, pour ceux qui viennent de se brancher sur Fun et qui n'ont pas suivi, Kéké, hier, avait une mission parce qu'on a participé à un jeu. Il devait essayer de tenir la note le plus longtemps possible avec le son de Luis Mariano, Mexico. Un truc comme ça, quoi. Sauf que lui, hier soir, il a fait 18 secondes et on l'a refait à l'antenne. Ouais. Il a tenu 28 secondes. C'est vraiment énorme. Alors, je vous ai lancé un défi de l'autre côté de la radio. Essayez tout simplement de battre le kéké international. Alors je sais pas si c'est possible, hein, parce que 28 secondes c'est déjà pas mal. Mais on a Jérôme qui vient de Jambes, il a 26 ans et il va essayer de te battre à plate couture, kéké. Salut pas. Jérôme, ça va bien? Ça va bien. Wow, quelle grosse voix Jérôme. Ça va aller pour monter dans les aigus? Je pense, oui. Ça va être un Mexico agressif, genre Mexico. Bon alors Jérôme, tu penses que tu vas pouvoir tenir combien de secondes? Je ne sais pas, j'ai essayé, peut-être plus de 20 secondes. Plus de 20 secondes. Alors, pour battre Kéké, il faudra faire au moins minimum 28 secondes. Jérôme, est-ce que tu te sens prêt? On va essayer, oui. Oh, je ne suis pas sûr, je ne te sens pas sûr de toi, Jérôme. Jérôme, on recommence. Est-ce que tu es prêt, Jérôme? Oui. Allez, attention, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti. Mexico. À toi. Mexico. Allez. Même le réseau ne voulait plus le ouais, Jérôme, ça te fait donc 11 secondes, Jérôme. Hey, mais n'empêche, c'est pas mal. C'est pas mal parce que Fab a tenté sa chance aussi. Il a fait 6 secondes, lui. Alors, mais tu dans vois, la tête, c'était plus long. Ouais, je ouais. Ça compte. Mais dans la tête de Jérôme, à mon avis aussi. C'est pas grave. Jérôme, tu sais quoi, je note ton chiffre. On sait jamais. Peut-être que les autres auditeurs vont pas réussir à faire mieux que toi. Je te fais des gros bisous, mon Jérôme. Merci d'être passé à l'antenne, en tout cas. Salut, Jérôme. Merci. Bonjour à tous. Bisous bisous. Donc ça fait 11 secondes pour Jérôme, ce qui est quand même plutôt pas mal. On est toujours à 28 secondes pour Kéké, à 6 secondes pour Fab. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute l'émission qui est capable de faire mieux, capable de battre Kéké? Celui qui arrivera aujourd'hui dans l'émission, c'est promis, je lui file un cadeau Fun Radio. Pour ça, il faut s'inscrire. Vous envoyez maintenant Mexico par SMS au 3044 et là c'est le son de Souffle avec Mi Amor sur Fun Radio. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, non, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico? Et toi, Alex? C'est Alex, hein? Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être? Eh bien, annulez!

Apple, ce qui va pas bien à Bruxelles. Et je dis oui, oui, oui, donne-moi encore un bière ici pendant que les autres galèrent. C'est pas fameux, fameux à Bruxelles. Hein. On me dit sur le Churchill Steinway. Ouais. L'avenue Churchill. C'est ça, ouais. Traduction. Et alors, Gerard Bergstraat. D'accord. Ça ne bouge pas, ça reste c'est comme quoi, ça. C'est quoi, c'est la rue de Gérard, c'est ça, ça? Le meilleur mot que tu peux mettre au Scrabble. Ah. Tu gagnes plein. Si tu joues en français et en néerlandais. Trafic perturbé quand même, hein. Vitesse ouais. 10 km/h. Tu as un temps de retard de 6 minutes. Oh. Oui, parce que maintenant, mon nouveau computer, il calcule ton temps de retard. Wow. Ça, je peux te dire. Par contre, il a mis 6 minutes partout. Ah non, il y a 9 plus bas. mais c'est à Turnhout, c'est pour nos amis néerlandophones. Par contre, sur le boulevard Smet-Denayer et OSL, là, tu roules à une moyenne de 20 km. C'est comme si tu étais. Oh, mais excusez-moi, mais vous allez nous faire la vitesse à chaque fois ou alors est-ce qu'on peut savoir s'il y a des bouchons ou quoi? Oui, bah, c'est bouchonné. Hein. Si ah, tu roules ça. À 20 km/h, ta voiture, elle est en panne ou que c'est des bouchons. Hein. Réfléchis un peu. On, hein, peut, ouais, oh, on peut avoir envie de respecter les vitesses, hein, c'est tout. Hein, c'est 20 km/h. C'est 20 km, c'est nulle part. J'ai, hein. J'ai toujours pas récupéré mon permis, donc je vois pas trop comment il faut faire. Est-ce qu'un jour tu vas le récupérer d'ailleurs? Non, je crois pas. Si tu continues comme ça, c'est. Pardon. Si tu continues comme ça, il y a peu de chance. Oh là là, ce mec est mauvais, est mauvais, sérieux, franchement. Mais reste dans ton personnage, rien. Fab. Oui, pardon, 20 km/h, c'est la vitesse de Audrey en marche arrière. Voilà, c'est ça. Ce mec est complètement topé, sérieux. Si vous avez des infos sur le trafic de l'autre côté de la radio, eh ben, profitez-en pour nous les envoyer. 3044 pour vos messages, comme ça on prévient tout le monde aussi qui est sur la route là pour le moment. Et ça devrait être calme hein, aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de match. C'est le seul jour où il n'y a pas de match de foot aujourd'hui. Et demain aussi. Ah oui. Eh, il n'y a rien du tout, c'est la trêve. Les filles, ça c'est eh, franchement, il y a de quoi fêter hein, ce soir. Il y a Grace Anatomy. Bah ouais. Eh ben, vengez-vous les filles. Faites une soirée spéciale Grace Anatomy et obligez votre mec à mater la série. Allez, on se fait le son dans un instant de Imanim. Avant ça, c'est Alan Walker. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Breath. See. c'est bientôt 18h sur Fun Radio. Et pour aller jusque là, on se le son d'Imani. Juste après, c'est un petit soprano qui arrive avec le diable, quoi. Ne s'habille plus en Prada. Voilà, c'est bien les copains, vous suivez, ça c'est cool. Bon, j'adore, on a reçu un petit message là d'Amélie qui nous dit « Je me suis entraînée pour le truc de Luis Mariano, je tiens 34 secondes, je suis en train de m'entraîner en conduisant. » 34 secondes. J'adore, j'imagine bien les auditeurs qui sont en train d'écouter Fun Radio, tu vois, genre tu passes à côté d'un mec, il est un mec « Je m'entraîne pour un jeu sur Fun Radio, qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Ouais, parce que pour ceux qui viennent de se brancher, je rappelle que Kéké du Standard a fait un exploit, comment dire, une performance vraiment exceptionnelle. Et oui, notre Kéké du Standard est le talent de Fun Radio. Ouais, ouais. Et ce soir, Kéké du Standard, pour vous, va vous faire le cri de Mexico pendant 28 secondes. Ouais. Mais ne le refais pas quand même. Ah, d'accord. Kéké tient la note pendant 28 secondes, ouais, vous savez. C'est parce qu'il a joué dans les choristes quand il était petit. Mais peut-être, mais sérieux, t'as une bonne grosse cage thoracique, hein. T'as beaucoup de... Et que la cage, ouais, hein. Franchement. Oh, Sandro, c'est pas possible ça. T'allais dire quoi, Kéké? Je fume pas ni rien, donc voilà, moi j'ai. Regarde, j'ai ouais, je veux dire, voilà, moi je m'entraîne chaque jour pour ça, parce que franchement. Et je mets de la Nivea sur mon corps, mais voilà. J'ai rien à voir. Mais... Un mot, motivation. C'est ça. Hashtag détermination. Voilà, just one life. Et je voulais remercier ma maman pour tout ce qu'elle a fait pour moi, vraiment, c'est très très important. Voilà, Kéké, oui, j'avoue, toi aussi, tu es un peu notre star à tous sur Fun Radio. Ouais, c'est gentil. N'empêche que. On a demandé de quand même essayer de te battre. Voilà, on a lancé un appel là dans l'émission. Si vous êtes à l'écoute et que vous pouvez faire plus que 28 secondes, envoyez Mexico par SMS au 3044. Celui qui arrivera à battre Kéké, je lui file un cadeau Fun Radio. Tout à l'heure, on a eu un auditeur qui a tenté sa chance. Et ben, ça n'a pas bien marché, c'était Jérôme. Il a fait 11 secondes, mais bien tenté quand même. Ouais. Alors, celle qui s'y colle maintenant, c'est Yasmine qui vient de Charleroi. Salut Yasmine. Salut. Oh, t'as pas fait ça, Sandro. Non, t'as pas fait ça. T'as pas osé. Attends, je connais, mais c'est Aladdin qui l'a. Oui. Ah, Yasmine, on te l'a jamais faite celle-là, hein? T'es contente d'avoir la musique d'Aladdin? Oui. Bon, Yasmine, tu viens de Charleroi, c'est ça? Oui. Oui, tu dis autre chose que oui ou pas? Oui, je suis à Charleroi. Bon, Yasmine, qu'est-ce que tu fais de beau ce soir? C'est quoi le programme? Eh ben, je ne sais pas encore. Le temps me le dira. Non. Il est peut-être temps de choisir. Non, je sais pas. T'as vu l'heure qu'il est? Tu vas être en retard sur ton planning. C'est le Fab qui est encore en train de péter une case. Bon, Yasmine, il faut essayer de faire plus que 28 secondes avec le Mexico. Tu penses que t'es capable? Non, je n'en suis pas du capable, je le sais très bien. Oh bah... Ça commence bien ça, Yasmine, bah dis donc. Bon, alors, on va quand même tenter le coup. Yasmine, il faut croire en toi, vas-y, en plus t'es Carolo, vas-y, je te supporte, ça va aller, Yasmine. Ouais, bon, merci, Yasmine. Merci. Oh là là. On va y aller, attention, est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 2 et demi, 2, 1 quart, c'est parti. Mexico, Mexico, Mexico. Bravo Yasmine. Eh ben, tu sais quoi, tu n'as pas fait 28 secondes, mais tu as fait mieux que Jérôme, puisque tu as tenu la note pendant 12 secondes quand même. Bravo, on l'a bravo, fait. Bravo Yasmine. Mais du coup, bah, ça sera pas suffisant. Et j'ai l'impression que Kéké, tu gardes, hein, ah ouais, tu gardes le cap. Hein. Tu as battu le record, Yasmine, mais celui de Grégory Le Marchand. Non, pas possible, ce mec. Yasmine, je te fais des gros bisous et merci d'avoir tenté ta chance en tout cas. Merci. Bisous, bisous Yasmine. Non, bah, ça va aller, t'inquiète. Bah oui, c'est l'émotion. Et si vous aussi voulez tenter votre chance un peu comme Yasmine, essayez de battre le Kéké, il y en a bien un qui va y arriver. Allez-y, vous envoyez Mexico par SMS au 3044 et on vous prend à l'antenne juste après Imani sur Fun Radio. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone. Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil. Ah, oh, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Crème solaire? Check. Enfant? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un touloutin, touloutin, down. C'est magique.

My heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy. Bienvenue sur Fun Radio. Dans un instant, on va vous expliquer comment faire pour repartir avec votre Urol. C'est une enceinte qui va vous permettre d'écouter de la musique partout où vous serez, dans l'eau, sur terre, peu importe. On vous explique tout ça juste après le son de Soprano, Le Diable ne s'habille plus, en Prada, qui arrive dans quelques petites minutes. Mais d'abord, on va accueillir Mike, qui est là dans l'émission aujourd'hui. Salut Mike, ça va bien? Oui, salut Audrey. Salut, ça va équipe. Mike, ça se passe? Ouais, ça se passe, ça se passe. Un peu surpris que vous m'appeliez. Ah bah écoute, nous t'envoie un message, on t'appelle, hein, c'est comme ça. Hein. Ouais, bon, alors Mike, on cherche la personne, l'auditeur, qui va être capable à un moment donné de battre notre Kéké du standard. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que Kéké a relevé un défi hier. Il a impressionné tous les vacanciers du club Belambra de Seños, parce qu'il a tenu la note de Mexico de Luis Mariano pendant 18 secondes hier soir. Il faut que tu le rajoutes dans ton CV, hein, quand même. Ouais, c'est quand important. Même, ouais, c'est quand même une performance. Hein. Et il a fait 28 secondes à l'antenne. Un truc de ouf, et vraiment. Ouais. Donc, on va voir. Mike, tu nous envoyais un petit message. Toi, t'es capable de tenir combien de temps? Bah, je sais pas, j'ai essayé comme ça en voiture, mais assez longtemps, quoi. Assez longtemps? Bon, alors, on va voir si t'es capable de faire plus de 28 secondes. Mike, si t'y arrives, je te file un pack fun, d'accord? Il y a du cadeau à la clé. Sois bon, Mike, on compte sur toi, d'accord? Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Mexico! Ça, c'est un avion, ça. Faire 38 secondes, Mike. Wow. Bah, c'est le stress, hein, tantôt, le chronomètre, j'ai fait plus. Hein. Ah, regarde-le là, c'est genre, il est pas humble du tout. C'est genre, oui, non, mais tout à l'heure, j'étais vraiment meilleur, je comprends pas. Mike, félicitations, tu repars avec ton pack fun. Kéké, j'ai envie de dire, tu t'inclines. Ouais, là, je m'incline, franchement. Et ouais, voilà. Donc, c'est gentil, merci. tu vas aller déprimer dans ton coin, Kéké. Ouais, Mike, franchement, bel organe. tu raccroches pas, on va reprendre tes coordonnées pour t'envoyer ton pack fun, mon Mike. Je te fais des gros bisous, bonne soirée à toi. Merci, bonne soirée à vous tous. Salut, bisous, bisous. Salut, salut. On va faire le son de Soprano maintenant sur Fun Radio, c'est parti. Le diable ne s'habille plus en Prada. Et juste après, on vous explique comment faire pour repartir avec du cadeau sur Fun. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses forces. Il n'a plus d'emprise sur le flot. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, il est 18h, c'est les DJ belges qui arrivent dans un instant avec Dimitri Vegas et Like Mike, ce sera juste après l'actu avec Carlo Morello. Salut Carlo! Hello Audrey, salut à tous. Volkswagen va devoir claquer près de 15 milliards de dollars pour échapper à un procès aux États-Unis. Et ce, dans le vaste scandale de ses moteurs diesel truqués. Voilà ce qu'affirme l'agence Bloomberg. Faut-il rappeler que la marque allemande a équipé ses voitures de logiciels permettant de fausser les tests anti-pollution. Près de 600 000 véhicules aux États-Unis et 11 millions dans le monde. BMW va donc devoir verser une très grosse somme aux USA pour indemniser les automobilistes et financer un fonds environnemental, le reste consistant en amendes diverses. Mais ça ne veut pas dire qu'après ça, la firme sera tranquille. Elle reste visée par l'enquête pénale du ministère de la Justice, ainsi que par des plaintes collectives. Et puis, il y a le reste du monde et tous les pays dans lesquels Volkswagen devra rendre des comptes. Autre scandale, celui qui concerne les forces de sécurité au Mexique. Et depuis bien longtemps, dans ce pays, visiblement, on n'explique pas à la police qu'elle est censée respecter les droits de l'homme. Dernier exemple en date des abus commis par les forces de l'ordre. Elles font régulièrement subir des violences sexuelles aux femmes arrêtées. Voilà ce que révèle Amnesty International dans un rapport publié aujourd'hui. L'ONG a enquêté sur les cas de 100 femmes emprisonnées au Mexique. Toutes ont déclaré avoir subi des formes de harcèlement sexuel ou d'abus psychologiques lors de leur arrestation. 72 disent avoir été agressées sexuellement et 33 carrément violées. Le but de ces abus étant d'obtenir des aveux. Mais bon, ça s'appelle quand même de la torture. L'acteur italien Bud Spencer vient de mourir à l'âge de 86 ans. Bud Spencer, dont le nom ne dit sans doute pas grand-chose aux plus jeunes d'entre vous, mais il a été une des plus grandes stars d'un genre qu'on appelait le western spaghetti, italien donc, évidemment. Un genre popularisé surtout par le réalisateur Sergio Leone, qui a notamment permis à l'américain Clint Eastwood de se faire connaître. Bud Spencer, lui, a plutôt opéré dans un registre humoristique, informant un fameux duo avec Terence Hill. Vous me direz que ça sonne pas très italien tout ça, mais c'était un pseudo évidemment. Il s'appelait en fait Carlo Pedersoli, et c'est sous ce nom qu'il avait participé aux Jeux Olympiques dans les années 50, vu que c'était aussi un fameux nageur, au physique de démé nageur, en tout cas dans ses films. qui m'amène à vous parler de sport, mais plus de l'Euro 2016 qui fait relâche pendant deux jours. On va en profiter donc pour signer qu'en tennis, le tournoi de Wimbledon a débuté hier et de la meilleure manière qui soit pour David Goffin, qui a facilement battu la Britannique Ward, titulaire d'une wild card, donc d'une invitation. Qualification également de Kirsten Flipkens face à l'American Gibbs. Par contre, le tournoi est déjà fini pour Jelena Wickmayer. Et en ce qui concerne les têtes de série, pour la Serbe Ivanovic, sortie par une joueuse qui ne figure même pas dans le top 200 mondial. Cela dit, le plus gros exploit de ce début de tournoi a été réussi par un certain Marcus Willis, un Anglais de 25 ans classé 772e mondial et qui gagne sa vie en tant que prof de tennis. Il a battu le Lituanien Berankis, qui est quand même 54e à l'ATP, et va maintenant affronter un certain Roger Federer. Ça risque d'être donc un petit peu plus difficile pour lui. Fun. Fun Radio. Dans la suite de l'émission, il y aura quoi ? Eh ben, il y aura l'appel bourré de Fab qui va arriver. On va vous filer du cadeau aussi avec l'Urol qu'on vous offre toute cette semaine. C'est une enceinte portable qui va vous permettre d'écouter de la musique partout, dans l'eau, sous l'eau, à l'extérieur, n'importe où pendant les vacances. On vous explique comment faire pour choper ce cadeau juste après. La météo, Carlo, c'est quoi le programme ? Le programme, c'est toujours une vingtaine de degrés et un ciel plutôt nuageux. Mais en principe, le temps devrait rester sec demain. Voilà, on se retrouve dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Dimitri Vegas. C'est Like Mike, salut. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Jérémy avait fait appel à l'Happy Hour. Il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro. Celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. sur Fun Radio. Dans un instant, il y aura le son de Rehab avec Freak. Je vous ai calé aussi Will Smith juste avant. Hey, Miami, c'est bien ça. Un bon petit souvenir. Hey, tu m'étonnes. Ça arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Mais d'abord, c'est parti, c'est l'appel bourré de Fab. Si ça veut bien partir. C'est lui qui boit, mais c'est vous qui êtes saoulé. C'est l'appel bourré de Fab sur Fun Radio. Eh ouais, l'appel bourré de Fab, même ici au club Bellambra de Seignos, on est en direct, hein, ici dans le sud de la France, tout près de Biarritz, si vous voyez pas trop où ça se trouve Seignos. Et bah même Fab ici au club, bah, il se bourre la gueule et puis il appelle des gens. Il y a des cocktails. Et il y a des cocktails. Ils sont bons les cocktails du club Bellambra. Hein. Oui, avec des fruits dedans. Ah oui, c'est bon tout ça. Bah du coup, Fab, quand il a bu un coup de trop, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens et il est saoul. Alors t'as appelé qui aujourd'hui, Fab? Ah, aujourd'hui moi j'ai passé un coup de gueule. Oh, pas content, pas non. Content, pas content, content. Non, pas content. Pas content. J'ai trouvé un truc qui s'appelle ras-le-bol. Alors moi j'ai appelé, j'ai dit tout ce que j'avais ras-le-bol, mais après la dame elle m'a dit que c'était pas le bon numéro. Ah bah oui, c'est de sa faute quoi, c'est ça, bah ouais. Le ras-le-bol, bonjour. Bonjour, je suis bien ras-le-bol? Oui. Oui, moi aussi, madame, ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol des embouteillages quand je prends ma voiture et que je dois rester bloqué dans le trafic. J'en ai ras-le-bol des gens qui ont des chiens et qui ramassent pas les crottes. Oui, j'ai pas fini, madame, attendez. J'en ai ras-le-bol des gens qui ont des bébés qui crient tout le temps, qui font du bruit, c'est insupportable. J'en ai ras-le-bol de l'été, les filles qui... Mais j'ai pas fini, madame. J'en ai ras-le-bol que les filles s'épilent pas les jambes pendant l'été parce que c'est super pas agréable à toucher. J'en ai ras-le-bol de payer des factures. Madame, j'ai pas fini, madame. C'est parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je vous parle. Je fais comme vous. Moi aussi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de tomber derrière une petite vieille de magasin quand je fais les courses et qui met 2 heures à tout mettre dans son sac. J'en ai ras-le-bol. Oui, madame. Monsieur. Madame. J'ai pas fini encore de vous dire tout ce qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, ici c'est un restaurant. Ça s'appelle le ras-le-bol, le restaurant. Bah oui, bah moi aussi ras-le-bol. Ras-le-bol. Vous n'avez pas ras-le-bol, vous? Pardon? Au moins, en voilà une qui a compris. Fab, il faut arrêter d'appeler les gens comme ça. C'est quoi tes questions, sérieusement? Ras-le-bol comme raccrochonner. Ouais, bah j'ai bien compris ça. Bon, allez, dans un instant, on va se faire le son de Rehab sur Fun Radio. On aura du cadeau aussi à vous filer. Si vous êtes sur le point de partir en vacances, un petit conseil, restez bien là, ça va vous intéresser. Là, c'est parti, c'est Will Smith. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on all night, on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bouncing in the club with the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies half dressed, fully equipped, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley, ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show, pound for pound anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this, and if you ask how I know, I got to feed the bell. Miami, where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami, bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Don't get me

Voilà. Non, Fab, merci, non. Ça ira. Tu non, sors. Ça va. Non, tu sors. Allez, donc, oh, tu sors. Tu vas sur la terrasse du club, c'est bon ainsi. Bon, donc, je vous peux allez... sortir aussi du coup. Non, non, tu restes là. Donc, vous allez pouvoir écouter de la musique aussi sous l'eau. Allez, il est waterproof. Et en plus, ce qui est cool avec cette enceinte, c'est qu'elle elle dure pendant 9 heures. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie 9 heures. Vous n'avez pas besoin de la recharger toutes les heures. Là, tu vois, si vous êtes à la piscine, imaginez-vous tranquillou installé sur le transat. Vous mettez votre petite enceinte, vous écoutez la musique et là, vous êtes tranquille. Pas besoin d'aller recharger. Pour essayer de repartir avec ce très très beau cadeau qu'on vous offre sur Fun Radio toute cette semaine, il faut essayer de me retrouver la chanson que quelqu'un de l'équipe a essayé de chanter dans la piscine du club Bellambra. Si vous avez une idée, vous envoyez Summer par SMS au 6322 avec la bonne réponse. Écoutez ça. C'est sérieux ça? Eh, c'est impossible hein. Alors effectivement c'est pas si facile. Oh mon dieu. C'est quelqu'un qui se noie ça, c'est pas un son hein. On peut le réécouter ou pas? On va réécouter. Dites-vous que c'est... Alors je donne un petit indice, comme ça peut-être ça va vous mettre un peu sur la voie. Dites-vous que c'est une musique souvent qu'on entend dans les clubs quand vous êtes en vacances et tout. Il y a même une chorégraphie. Concentrez-vous bien, écoutez. Voilà. Bon, on va faire quelque chose. On va voir s'il y a des auditeurs qui sont plus malins que les autres, s'il y a quelqu'un qui arrive à trouver la bonne réponse directement. Si jamais vous n'y arrivez pas, promis, je vais vous filer des indices. Alors, si vous avez une idée, vous envoyez maintenant Summer par SMS au 6322 avec le titre de la chanson qu'on cherche. Tirage au sort juste après le son maintenant de Drake. C'est parti. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Allô, allô. Oui, bonsoir, c'est pour dire que j'arrive à rapporter l'argent que je dois. Pardon? Oui, mais votre mari m'a prêté de l'argent et je l'apporte dans 5 minutes. Oh, écoutez, là, vous faites sûrement erreur, hein. Mais j'arrive, je le dépose, ça va? Pardon? Je l'apporte, je suis là dans 5 minutes, c'est pas grave. Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Oh, tu sais ce qu'il y a de nouveau chez Quick? Non. Un indice, ils sont bons et bien roulés. Déroulés. Ouais, enfin on dit des wraps. Ah oui, des wraps. Alors, il y en a un grand, poulet pané et cheddar sauce giant. Ah, giant comme le burger? Oui. Oh. Et un petit wrap sauce tomato sweet onion. On peut prendre les deux? Gourmande. Quick, le goût d'en faire plus. Quick! C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Started out being friends. I had my girl and you had him. Would've known where it'd end. Cause I'm holding you back in the middle of the night. Like we just finished up making. We both waited weathered the storm. Could've cheated but knew that'd be wrong. Even though close. I took it you out of my mind, I said I'd do a time if I slipped to commit to crime. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, as long as there's you and me, there's us. I'm letting you go, no. I ain't found nothing like this, like this. Life is simple, cause girl, you're the truth. All alone, I was here for you. Wait until the time was right, give me the green light, I'll show you know what you've been missing. More than just a feeling, this is more than just a crush. This ain't some romantic gesture, this right here is called real love. And nothing really matters, as long as there's you and me, there's us. And I am letting you go. I ain't found nothing like this. Time, cause nothing can compare to when I'm with you. Oh baby,

dream too far. Sing me all the songs you love. Can I sing them with you now? You're killing me over love. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Da, da, da. Don't drown your heart, baby, just break down, drown. Alors, vous le trouvez comment ce nouveau son là sur Fun Radio? Dites-moi ce que vous en pensez, 3044 pour vos messages. C'était Sib. La suite, c'est avec Rochelle que ça se passe. All Night Long sur Fun Radio, on va se faire aussi le son de Jonas Blue. Et puis juste avant ça, on va accueillir Michel qui vient de la Louvière. Salut Michel, ça va bien? Ça va Mich-Mich. Oui. Ça va Michel? Oui, oui, salut, bonjour à tous. Ça va Michel? Oui, ça va bien, merci. Mamie, non, voilà. Moi, je dis des bêtises à cause de toi, femme. Michel, tu as quel âge? On ne demande pas normalement, c'est vrai, l'âge d'une femme, mais bon, là, je me permets. Oh, ben à peu près l'âge d'être une mamie, on dira. Ah, c'est ça, oui. C'est deux. Ah, mais si. Fab. Bon, Michel, on est à la recherche du titre de la chanson qu'on a essayé de chanter dans la piscine du club Bellambra de Seignos. Si tu arrives à me filer la bonne réponse, je t'offre l'Urol. C'est une enceinte portable pour écouter la musique, même sous l'eau. C'est juste le pied pour les vacances. Par contre, alors, ça marche pas avec les disques, hein, mamie. Oui. Oh, franchement. Arrêtez. Donc je dirais à la pêche attends, au moule. Attends, Mich, calme-toi. Calme-toi. Elle a pressé le gagner quand même. Hein. Michel, ce n'est pas bon pour ton cœur, respire. Michel, on va réécouter la chanson. C'est impossible. Attends, mais elle est exceptionnelle. Mamie, calme-toi. On va réécouter la chanson, d'accord? Et puis tu me donnes la réponse. Allez, c'est parti. Ah, alors, c'est quelle chanson? J'ai donné un indice, hein, j'ai dit que d'habitude on l'entendait genre dans les clubs, en vacances, qu'il y avait une chorégraphie, tout ça. Alors, à ton avis, c'est quoi? Mais oui, à la pêche au moule, moule, moule. Je crois bien que c'est ça. Eh ben non, Michel, ce n'est pas la pêche au moule. Non, allez. Si, j'étais sûre que c'était ça. Bah oui, mais non, Michel. Voilà. Je suis désolée. Bon, ben voilà, j'en ai élevé. Bon, ben allez, voilà. Michel, ben voilà. Michel, tu retends. Michel, prends le disque avant là. C'est bon, je note. Ouais, ok. Ça va aller, Michel. On rappelle aux auditeurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération, s'il vous plaît. Elle est exceptionnelle, Michel. Oh, je suis désolée, oui. Du coup, c'est pas la bonne réponse. Tu retentes ta chance. Oh, si, allez, quoi. Mais Michel. Elle essaye de négocier. Michel, je ne peux rien pour toi, mais tu peux retenter ta chance. Bon, allez, d'accord. Et peut-être ça sera la bonne, d'accord, Michel? On essaiera. Ben moi aussi, je vous embrasse tous. Mes hommages. Allez, j'ai envie mon smartphone. Allez, bisous, Michel. Elle est énorme. Du coup, ce n'est pas. Avec tout ça, j'ai oublié. Ah oui, la pêche au moule, elle nous a dit. Oui, hein, c'est ça, mais ce n'est pas la pêche au moule. On nous a dit aussi par SMS au 6322, la SketchUp. Ce n'est pas ça. Si vous avez une idée de la bonne réponse, qu'est-ce qu'on peut donner comme indice en plus? C'est une chanson qu'on entend dans les clubs, il y a une chorégraphie, et ça commence par M. Et ça se termine par A. Allez-y, vous avez la réponse, je suis sûre. Vous envoyez Summer par SMS au 6322 avec le titre de la chanson. Est-ce que vous avez une idée dans l'équipe? Non. Merci. Clos. Mais non, allez, à la toupe à l'ennemi. Voilà, oui, allez, 6322 pour vos messages. Bonne chance. Love me like no one else get your heart. We can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows the secret tomorrow will. Radio avec dans un instant le son de Martin Solveig. Je vous ai calé aussi Cheat Code, on vous l'a fait découvrir pour la première fois hier sur Fun Radio. Ça arrivera juste après le coup de pouce dans l'Happy Hour. Si la petite maison dans la prairie avait appelé l'Happy Hour pour le coup de pouce, ils auraient pu revendre leur maison à un bon prix et acheter un bel appartement en plein centre-ville. Mais bon, comme ils l'ont pas fait, ils continueront à habiter dans les champs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Tu fais très bien la vache, Fab. Oui, je me suis entraîné. Démonstration moi. De Fab. Ouais, enfin. Une vache qui est quand même picolée. Hein. Bon, on est en plein coup de pouce là dans l'émission. Tous les jours, on essaye de vous aider dans cette émission. Ça fait deux fois émission dans la même phrase. Donc on double. Ouais, c'est ça quoi. Bon, on a Kelly qui est là, qui a un truc sympa à vous proposer. Salut Kelly. Salut. Bonne soirée. Salut. Oui, mais bah, soirée, d'accord, merci, salut, allez, ciao alors. Kelly, t'as du boulot à proposer à nos auditeurs, il paraît, on t'écoute. Pas spécialement du boulot, donc attention, ah. Nous on fait des formations professionnelles qui mènent évidemment à un boulot. Donc le but c'est qu'on offre une formation qualifiante qui vous permet d'apprendre un métier spécifique. On a une personne qui vous suit tout au long de la formation et même jusqu'à 6 mois après la formation et qui mène évidemment alors à un emploi dans une entreprise. Voilà, donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. D'accord, et si jamais ça nous intéresse, il y a un site internet où on peut aller choper toutes les infos? Oui, certainement. Donc le site même c'est jobber.be, donc J-O-B-B-E-R, donc c'est offert par le Sephora. Et donc on représente toutes les formations pour employés, donc que ce soit l'administratif ou dans le secteur du commercial, de l'IT, donc il y a un petit peu de tout. Et donc le but c'est vraiment de vous former, donc on a des formateurs qui sont des experts, donc des personnes du terrain qui viennent parler de leur expérience. Pardon ? Comme à Las Vegas, les experts. Comme à Las Vegas, voilà. C'est une formation éclatante, suivie d'un stage en entreprise. Et c'est souvent ça qui mène à un emploi alors par la suite. Eh ben Kelly, super, le message il est passé, merci beaucoup. Et puis si vous êtes intéressé, vous de l'autre côté de la radio, bah, filez sur le site internet. Tu peux vite le rappeler, Kelly, juste avant d'écouter Martin Solveig? Oui, bien sûr. Alors c'est jobber.be, donc J-O-B-B-E-R.be. Merci Kelly, le message il est passé. On t'embrasse fort, passe avec une bonne plaisir. Soirée. Oui, salut, bonne soirée. Bisous. On va sur le son de Martin Solveig maintenant, comme promis. Juste après, il y aura Cheat Code. Et restez bien là si vous voulez repartir avec votre enceinte portable pour écouter de la musique, même sous l'eau. On vous explique comment faire juste après Martin Solveig. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la tribu. Bon, jouez avec nous ce matin. Alors, on a Baïja ou Nadi, je sais pas quel est le prénom entre les deux. Allô? Allô? Bonjour. C'est quoi ton prénom Nadi, en fait? C'est Baïja ou c'est Nadi? Baïja, Nadi. D'accord, c'est les deux. Evan et la tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Couleur café, il y a ceux qui adhèrent et d'autres qui adorent. C'est une expérience de vie pour les jeunes. Ah ouais papa, on s'éclate trop. C'est surtout l'ouverture aux autres. Tu veux dire qu'on chope des filles? Ça veut dire que c'est un univers qui vous emporte. Ah ouais, on plane grave. Et ils en reviennent transformés. C'est sûr, il me faudra une semaine pour m'en remettre. Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur Café, la STIB vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Faire des blagues avec Bernie ou des vagues avec Lolo. Vos enfants aussi peuvent se lâcher. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute en famille dans un resort Sun Connect. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Baby. Yeah, I know you built like that. Got it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live for the war. Merci Audrey et son équipe de nous faire marrer tous les jours. Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. La suite du son dance floor, c'est avec Cheat Codes que ça se passe sur Fun Radio. Il y aura aussi le son de Calvin Harris et Rihanna dans un instant. Et puis on a du cadeau là à vous filer sur Fun Radio. L'Urol, c'est une enceinte portable qui vous permet d'écouter de la musique. Alors sur Terre, ça c'est méga cool, mais vous allez... Oui. Un peu comme toutes les oui. enceintes portables. Oui, c'est ça. Mais alors, excuse-moi, mais un peu de respect oui. s'il te plaît, parce que ce n'est pas une enceinte comme les autres, puisque celle-là vous permet aussi d'écouter de la musique sous l'eau. Ah, on fait calme, moins hein. les Malinois. Hein. Et ouais, c'est Mediamarkt Runeuve qui nous a fait découvrir cette enceinte. Et du coup, bah, voilà, on va vous l'offrir toute cette semaine sur Fun Radio. Pour ça, il faut essayer de me retrouver une chanson qu'on a chantée dans la piscine du club Bellambra. On vous a dit que c'était une chanson qu'on entendait souvent justement dans les clubs, il y a une chorégraphie. Ça commence par M et ça se termine par A. Si vous avez une idée de la réponse, vous envoyez Summer par SMS au 6322. Écoutez ça. Bon, je sais, parce que je vois l'équipe qui me regarde avec des grands yeux ouverts, genre, mais on comprend rien. Mais tu crois que je peux pas donner plus que ça comme indice? Bah, si, si. C'est une chanson où il y a une chorégraphie, ça commence par M et ça se termine par A. On a Sharon qui est là, qui vient de la Louvière, qui va donner sa réponse. Salut Sharon! Salut toute l'équipe. Ouais, salut, ça va ah. Sharon, c'est comme dans les feux de l'amour, ça. Ouais, ça va, c'est bon. Genre, vous regardez pas les feux de l'amour, non. les garçons. Bah non, évidemment, vous regardez quoi la télé. C'est rire, moi. Ah ouais, genre quoi? Genre Big Bang Theory, genre... Ah ouais, t'es quoi, un vrai, quoi. Le prince de Bel Air. Non, mais écoute-moi ça, cette jolie petite musique, Sharon, c'est pour toi, tout ça. Oh là là, Sharon. Et c'est la meuf de Nicolas, hein. Et Nicolas, c'est un beau gosse dans les feux de l'amour. Et c'est hein. le pote de Steve, mais Steve est amoureux de Sharon. Voilà, mais c'est ça. Mais Steve sort avec Marlène. Ouais. Non, t'inventes des noms là, c'est n'importe quoi. Bon, Sharon, est-ce que t'as une idée de la chanson qu'on cherche? Est-ce que t'as compris quelque chose? Moi, je pense que c'est Mueve la colita. Mueve la colita. Si, por favor. Ça commence par M, Mueve la colita. Ça termine par A. Donc jusque-là. Ouais, bah, excuse-moi, je la connais pas. Attends, mais c'est quoi ça comme chanson? Vas-y, chante, c'est Sharon. Oh là là, c'est dur de chanter. Mueve la colita. Non, non, non. Je peux pas chanter, oh moi. Pardon? Non, mais Sharon, là, ça va pas aller. Là. Attends, vas-y, refais-le, mais mets-nous dans l'ambiance. Vas-y, refais. Mueve la colita, mueve la colita. Ouais. D'accord. T'as surtout pas le rythme. Super bien, Sharon. Est-ce que, attends, parce que je sais que Kéké du Standard, généralement, il connaît toutes ces chansons. Est-ce que tu vois de quoi elle parle? Ouais, c'est une chanson qu'il y a souvent en club de vacances. Oui, merci, mais du coup, ouais. est-ce que tu peux essayer de la chanter pour que je comprenne? Ouais, juste ça. Mueve la colita, rica, rica, mueve la colita. Ah voilà. Voilà, ça y est, ça fait tilt. Sharon, oh, c'est pas Dieu. La bonne réponse. Je suis désolée, ma chérie, t'y étais presque. Oh. En plus, avec les indices, ça fonctionnait. C'est vrai ouais, M, c'est ça. Ça commence par M, ça se termine par A. C'est une chanson de club, mais c'est pas ça, Sharon. Tu retentes ta chance. Allez, les gars, sérieux, qu'est-ce que je peux donner comme indice en plus? Vous avez compris ce que c'était maintenant? Oui, et les chihuahuas, non? Pas de chihuahua dans le clip, non. Enfin, je me souviens plus du alors, clip. Alors, je crois que je suis parti sur totalement autre chose. Et moi, je vais vous laisser dans votre délire. c'est une vieille chanson, hein, mais on a tous dansé là-dessus. Donc, si vous avez une idée de la réponse, vous envoyez Summer par SMS au 6322. Je vous le rappelle, ça commence par M et ça se termine par A. Tirage au sort juste après Cheat Code sur Fun Radio. Welcome. Wanted to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Love was unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell about sex. Your heartbeat of solid gold. I love you. You'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light. Feeling like we could do right. Be the one that makes freedom is a lonely road. We're under control. Waiting for the fire to light. Fun Radio. La suite du son d'Explore, c'est avec Calvin Harris. Surtout qu'on vient de le passer, mais c'est pas grave. Et ben, vous savez quoi, il y aura du bon son d'Esplor dans un instant. C'est ce matin. Juste après les infos avec Carlo Morello. Salut Carlo. Sommet européen très important aujourd'hui et demain à Bruxelles, consacré évidemment au Brexit et à ses conséquences. Les 27 qui restent vont demander au Premier ministre britannique David Cameron de déclencher au plus vite la procédure de divorce, histoire qu'on n'attende pas l'automne prochain, que le successeur de M. Cameron se charge du dossier. Les marchés détestent, on le sait, rester dans l'incertitude, va donc falloir faire vite. Et puis ce matin, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré devant son Parlement que l'Union européenne était assez forte pour surmonter le départ du Royaume-Uni et que ce dernier n'allait pas pouvoir choisir à la carte de garder les privilèges qu'il avait au sein de l'Union tout en renonçant à ses obligations. Ce serait un petit peu facile. Et puis ça donnerait peut-être de mauvaises idées à d'autres pays où les eurosceptiques ont le vent en poupe. L'exposition itinérante consacrée à Harry Potter a déjà attiré plus de 3,5 millions de personnes de par le monde depuis 2009, auxquelles il va bientôt falloir ajouter toutes celles qui comptent se précipiter vers le palais 2 des expositions Wesel dans les semaines qui viennent. C'est ce jeudi que l'expo centrée sur le plus célèbre des sorciers ouvrira ses portes. Si je me souviens bien, la formule pour ouvrir une porte, c'est Alohomora. J'ai utilisé le mot précipité parce qu'on en est déjà à près de 100 000 réservations. Alors si vous comptez aller voir l'expo, dites-vous que vous avez bien le temps, hein, jusqu'au 11 septembre quand même. Comme de très nombreux fans voudront s'y rendre dès le début, bah, ce sera peut-être plus intéressant d'attendre un peu, hein, histoire de mieux profiter de l'exposition sans vous faire marcher sur les pieds. Les organisateurs vous recommandent d'ailleurs de vérifier via le web les possibilités d'accès. Et dans quelques jours, avec les premiers départs en vacances, je serai amené à faire le même genre de réflexion. Évitez de prendre la route aux heures les plus critiques et attendez que le plus gros du rush soit passé. Et puis à propos de rush, vous serez nombreux à vous rendre à Lille ce vendredi, histoire d'assister au match Belgique-Pays de Galles dans le cadre de l'Euro 2016. Vous serez également nombreux à vous enfiler quelques bières à cette occasion. L'idéal, c'est qu'après ça, vous ne soyez pas nombreux du tout à prendre le volant. Il ne faudra pas que la fête s'achève de manière dramatique. D'où l'initiative d'un certain Théodore Taymans qui propose aux Lillois d'adopter un Belge pour un soir et de l'accueillir chez lui pour une nuit. Une initiative qui connaît un beau succès sur Twitter. Alors je ne sais pas si ce succès se concrétisera dans les faits, mais ça ne me surprendrait pas, hein, vu que les ch'tis sont particulièrement sympas. Et en Belgique, on n'avait pas besoin de Danny Boone pour le savoir. Ça dit toujours à propos des Diables Rouges, bah, ils auront eu la tristesse d'apprendre la mort d'Eric Reinhardt, président et fondateur du fan club 1895. Après le match Belgique-Hongrie, il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 50 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques jours à peine, il avait perdu son épouse, victime, elle, d'un cancer. Fun. Fun Radio. The Chainsmokers, c'est ce qui arrive côté son Netflix dans un instant. Mais d'abord, on file du côté de la météo. Carlo, c'est quoi le programme? Une vingtaine de degrés, toujours demain, avec un temps sec, en principe, même si les nuages seront toujours bien au rendez-vous. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. La Vie Hour, 17h-20h sur Fun Radio. Nobody. body by my side. J'espère que vous passez une bonne soirée là sur Fun Radio. Merci de la passer avec nous. On est par avec contre, vous soif, hein. Jusqu'à 20h. Tu raconteras ta vie sur ton blog, s'il te plaît. Merci bien. Oh. Alors, c'est 3xw.fr. On va se voir le son de Maten, mais d'abord, People. Des paillettes, du glamour et Fab. C'est l'actu People dans l'Happy Hour. Ouais. Et c'est Fab qui s'y colle, parce que Fab est le seul à connaître les people, il est le seul à les côtoyer au jour le jour, et du coup bah, il revient avec des petites infos avant tout le monde quoi. Bah oui c'est ça, c'est mon job, moi je suis au taquet, je suis présent. Bon, il y a quoi au programme? Ah, il y a un truc qui m'a fait rire tout à l'heure. Nabila qui revient à la... vous permettez que je déglutine, j'ai besoin d'inspirer de l'air et de l'extérioriser. Je respirais. Non, Nabila qui revient. Alors, elle a fait un truc encore plus con que ce qu'elle fait d'habitude, la meuf. C'est possible ça? Ah oui, oui. Alors là, je crois qu'elle a mis la barre très haut. Madame veut une nouvelle ombre. Une ombre. Une ombre. Une ombre. Parce qu'elle a regardé son ombre et son ombre ne lui plaît pas. Comment ça? Eh ben, elle n'aime pas son ombre. Donc, elle a mis un tweet en demandant où est-ce qu'elle pouvait acheter une nouvelle ombre. Non, attends, c'est une vanne. Je te jure que non, la oui, meuf, mais elle demande pas ça sérieusement. Si. Alors, enfin. Il y a déjà Allo, il y a un site là, ils l'ont envoyé les internautes. Ouais. Allo, mais ton ombre est pourri.com. Mais comment c'est possible? Mais je crois qu'elle elle exagère. Elle croit qu'elle peut tout acheter avec de la thune. D'accord. J'aime pas mon ombre, je veux une nouvelle ombre. Mais franchement, c'est quoi? Je pensais que la fille, elle le faisait. Non, mais elle le fait exprès. Moi, je pense que sincèrement, Nabila, elle est pas si bête que ça. Mais qu'elle le fait exprès pour gagner de l'argent, quoi, tu vois. Elle ouais, est... Je crois qu'il y a deux personnes qui pensent ça, c'est toi et sa mère. Bon, et du coup, elle peut du coup acheter une nouvelle ombre. Mais c'est non, ça c'est... se vend pas des ombres. Enfin, oui, je me doute bien, pas merci faire de bien. De chirurgie esthétique d'une ombre, quand même, je bah, comprends. Si. Bah, non. Regarde en. Serpent. Pardon? Non, Peter Pan. J'adore parce qu'il l'a pas assumé. C'est genre Peter Pan. Ouais. Alors ça, c'est un autre truc que tu vas remettre dans ton blog, s'il te plaît. Par contre, deux fois la même vanne, moyen. Bon, hey, allez, c'est parti, la suite du programme. J'ai une autre nouvelle qui, moi, m'a rendu très triste parce que j'y croyais. Je faisais partie de la catégorie de personnes qui pensaient que oui, un jour, ça allait être possible. Oh, c'est triste. Oui, c'est info triste. Mais non, c'est pas possible. Voilà, ils avaient dit que peut-être éventuellement, ils feraient une suite à Friends. Mm-hmm. Et la réalisatrice Martha Kaufman, eh ben, elle l'a dit. Non, il n'y aura pas de suite, c'est fini. Parce que Friends, c'est une série sur une époque de ta vie où tes amis sont ta famille. Et là maintenant, comme ils ont tous des enfants, ils n'ont plus besoin de leurs amis. Et donc la série a fait son temps, c'est fini, n'attendez plus, il n'y aura pas de suite à Friends. Oh Fab, je savais que t'espérais tellement de choses de cette série. C'est mon enfance moi, j'ai grandi. T'aimais bien Friends? Mais oui. Moi j'aimais pas du tout cette série. Ah non, désolé. T'as chié. Ah ouais, c'est chiant quoi, franchement. C'est une blague. Non, attends, tous les soirs ils se réunissaient dans le même canapé quoi. Ils avaient un canapé dans la série. Sérieusement, c'est pas possible quoi. Ils avaient pas full budget. Mais ils avaient l'air confortable ce canapé. Ouais, mais non, pas possible. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Ouais, pas de Friends 2. Ouais. Fab, ça va aller. On te soutient dans cette équipe. Tu sais, ça va aller. Allez, c'est la fête. Y a pas de Friends. Mais non, c'est pas pas la fun. Mais c'est sacrilège que vous faites, arrêtez. Tu sais quoi, Fab, tu vas avoir le temps de pleurer parce qu'on va passer un petit peu de son Dancefloor maintenant sur Fun Radio. Je vous ai calé Stone Van Linden maintenant et puis juste après, on se fera le son de Maten, c'est Café Del Mar sur Fun Radio. Welcome tout le monde. Radio. Le son dance floor. C'est la Power sur Fun Radio, on est avec vous jusqu'à 20h avec le son de Kungs. Dans un instant, c'est This Girl qui arrive, on va se faire aussi Madcon, ça aussi, c'est une grosse nouveauté Fun Radio qui arrive dans quelques petites minutes. Avant ça, on va faire sonner chez quelqu'un qui a envoyé Summer par SMS au 6322 qui aimerait bien de repartir avec quoi? Avec son U-Roll. Et ouais, c'est une enceinte en fait. C'est une enceinte qui va vous permettre d'écouter de la musique partout où vous serez en vacances, dans l'eau, sous l'eau, au-dessus, en dessous, bref, partout. Pour ça, il faut juste décrocher et essayer de repérer la musique qu'on a essayé de chanter dans la piscine de Bellambra. On peut réécouter Sandro, pour tous ceux qui ne l'ont pas entendu, si vous avez une idée, vous envoyez Summer par SMS au 6322, la chanson qu'il fallait reconnaître. On va l'entendre dans quelques petites minutes. On a un problème technique, comme on dit, hein, Fab? Mais moi, je sais pas faire mon code à l'envers sur mon ordi. En fait, en gros, on le diffuse depuis l'ordinateur de Fab. Mais Fab, en fait, comment vous dire, ne sait même pas envoyer un mail et ne sait même pas mettre son code. Donc, c'est ça le gros problème. On l'a retrouvé, on peut y aller. Alors, je vous ai dit que c'était une chanson qu'on entendait souvent dans les clubs. Il y a une chorégraphie avec, ça commence par M et ça se termine par A. On va faire sonner maintenant chez quelqu'un qui a envoyé Summer par SMS au 6322 s'il a la bonne réponse. À lui, l'U-Roll qui est offert par Mediamarkt Runeuve. Ça va aller. C'est le soleil, hein, ça. Toi, j'aimerais te voir chez Ikea commander des meubles. Pourquoi? Bah oui. Tu sais pas dire U-Roll, tu sais pas dire les meubles. Ah, U-Roll. Oui, allô, bonjour, c'est quoi ton petit nom? Oui, bonjour. Michael. Bonjour. Comment? Michael. Michael, tu as quel âge et tu viens d'où, oui. Michael? J'ai 44 ans et je viens de la région de Mons. Bousser. C'est un mot en toi, dit. Allez, c'est le doudou, c'est le maman, c'est le doudou, c'est le maman. Bon, alors, Michael, on recherche depuis tout à l'heure une chanson. Est-ce que tu as une idée de la bonne réponse? Je pense que c'est peut-être la Macarena. La Macarena. Eh ben, Michael, c'est gagné. Ouais. Super. Bravo, Michael. Tu pars en vacances bientôt? Merci. Non, ici, pour l'instant, je suis en plein travaux, donc... Ah, bah, tu m'étonnes. Eh ben, tu sais quoi, tu le mets dans ta baignoire, hein, tu te fais un petit kiff, hein, c'est pas grave, ça fait pareil. Michael, je te fais des gros bisous. En tout cas, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées, d'accord? Merci, bisous à tous les kiffs. Bisous, Michael. Si vous aussi voulez repartir avec votre U-Roll, ça va comme ça, je le dis bien, hein, Fab? Et ben, c'est simple, il faut juste rester connecté sur Fun Radio entre 17h et 20h. On en a plein à vous filer pendant toute la semaine. On va se faire le son de Kungs maintenant sur Fun Radio. Il y aura aussi Madcon. Et juste après, c'est l'appel bourré de Fab qui débarque sur Fun Radio. Avec Fun Radio, gagnez le plus élégant des ordinateurs portables, le MacBook Air 13 pouces d'Apple. Likez dès maintenant la page Facebook de Fun Radio et laissez un commentaire avec le Facebook d'un ami en lui expliquant pourquoi il vous faut absolument cet ordinateur portable. Le MacBook Air d'Apple. Les plus beaux cadeaux high-tech, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a win what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fuck fake friends. We don't take L's. We just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. My soul.

J'espère que votre soirée se passe bien. Merci d'être avec nous. Courage les amis, dernière ligne droite avant les vacances. Le mois de juillet arrive très très très vite. Le son Dance Floor continue sur Fun Radio. On va se mettre dans l'ambiance avec le son de Sac Noël dans un instant. Et ouais, avec Sean Paul, c'est Trumpets qui arrive. Ouais, c'est vrai, le featuring avec ses canards. Il y a des sons bizarres dans ce son, vous allez voir, mais c'est une tuerie. Ça arrive dans quelques petites minutes, mais d'abord, c'est le tic-tac-boom. Yes. Vous croyez que j'avais oublié, hein? Ah, il y avait de la réclamation dans l'équipe. Et ben non. Je lui mets une tollée au fab. Mais jamais de la vie. Le tic-tac-boom, pour tous ceux qui peut-être se branchent pour la première fois sur Fun Radio, et ben le principe est simple. En gros, il y a une liste de mots. Fab et Sandro vont faire équipe avec des auditeurs. À vous de faire deviner un maximum de mots. Yeah. Celui qui en devinera le plus repartira avec un pack Fun. Celui qui perdra ben, repartira avec un autocollant Fun Radio. C'est déjà quand pas même, mal, c'est du beau cadeau. Hein. Alors, on a d'un côté Jordana qui vient de Bruxelles. Salut Jordana. Ça va? Ça va bien et toi? Bon, ça va, ça va. Ouais, alors Jordana, tu as le choix. Tu peux faire équipe soit avec Fab, soit avec Sandro. Tu choisis qui? Maintenant, il faut choisir. Hein. Ah, Jordana, tu dois choisir. Lequel tu prends? Oui, Fab. Fab, allez, c'est parti. Jordana, tu fais équipe avec Fab et tu vas affronter Arnaud qui vient de Liège. Instant Liégeois, dis salut Arnaud, comment ça va bien? Et ne parle pas le Liégeois. Arnaud. Attends, je vais essayer normalement. Salut Arnaud, est-ce que ça va bien Arnaud? Arnaud, une fois. Ah, voilà, bah oui, ah. Dis-moi, je parlais en liégeois et tout, puis tu répondais pas, fieu. Qu'est-ce que tu fous? Non, mais j'ai pas l'accent quand même, hein. Et fieu, déconne pas, dis, on l'entend. C'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois, ça. C'est parce qu'on s'habitue vite à l'accent liégeois. C'est pour ça que tu ne l'entends plus, mais moi, je peux te le dire, tu l'as quand même. On les adore, les liégeois, on leur fait des gros bisous. Bah, si, quand même. Bon, Arnaud, du coup, toi, tu fais équipe avec Sandro, d'accord? Allez, sois bon, Arnaud. Bon, j'ai pas le choix. Ça va. Oh bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Sandro, ça du coup. Bon alors, qui veut commencer, Jordana ou alors Arnaud? On laisse commencer les filles, Arnaud. On laisse commencer les filles, hein, quand même. Ça va. D'accord. Oh, allez, bah c'est parti. Jordana, est-ce que tu es prête? On va dire oui. Et bah alors on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, Jordana, où on est? Il y a un gros truc jaune dans le ciel qui brille. C'est un... Un gros truc qui brille? Un gros truc jaune qui brille, c'est un... Un soleil. Oui. Bravo. Au bord de la piscine, je suis allongé sur mon... Transat. Yes. Quand j'ai chaud, je sors de mon transat et je vais plonger dans la... Piscine. Si j'en ai marre de rester à la piscine, je vais sur la plage, je mets mes pieds dans le... Dans le sable. Bravo. Et pour pas brûler, je mets de... La crème. Non, trop tard, celle-là, je peux pas l'accepter. Ça fait donc... Attends, Jordana, c'est plutôt pas mal. T'inquiète pas, ça fait donc 4 points pour l'équipe de Jordana et pour l'équipe de Fab. Alors, attention, on va voir si du coup... Oh là là là là, ça me met la pression quand même. Hein. Arnaud est capable de faire mieux. Arnaud, est-ce que tu es prêt? Vite fait, oui, quoi. Ça va. Oui, ça va. Ça va. Bon, ça Arnaud. Ça me met vraiment confiance. Hein. Attention, tu te concentres, on y va. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Alors Arnaud, quand on est au soleil, on en a souvent sur le corps. Quand on reste trop longtemps au soleil, pardon. Des coups de soleil. Oui. Parfait. On en met souvent dans de la salade. C'est rouge, c'est un légume. Des tomates. Parfait. On en met souvent sur le nez, il y a deux verres. Des lunettes. Parfait. Quand on va à la plage, on en met aux pieds. Et on a les pieds en éventail. Parfait. Oui. Il y a l'eau et on se couche dessus. Non. Il y a quoi? Non, égalité. Égalité, les copains. Égalité entre Arnaud et Jordana. Vous restez tous les deux avec nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se fait la finale juste après Sac Noël et Sean Paul sur Fun Radio. C'est Trumpets. You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be body cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pon your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Son Dance Floor, c'est avec le beau Justin Timberlake. Il est de retour et il a choisi Fun Radio pour son nouveau son. C'est Can't Stop the Feeling qui arrive. Il y aura aussi Autonose dans un instant avec Avicii. Et puis là, on est en plein match, là, ça rigole pas. On s'est fait un petit tic-tac-boom entre Jordana et Arnaud. Alors, le problème, c'est qu'ils nous ont fait égalité. Ça arrive jamais, ça, normalement. Bah, c'est déjà, c'est la deuxième fois. Si, c'est arrivé une fois quand même. Donc, il devient bon, le petit là. Et j'ai l'impression que Sandro, sérieusement, autant d'habitude c'est Fab qui remporte la manche, autant là maintenant il y a du suspense. Ça ne rigole plus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah on rejoue. Hein. Essayez de arrêter de faire kiff-kiff quoi, sinon on s'en sort plus. Bon, alors, c'est Jordana qui s'y colle, puisqu'on a dit que c'était les filles qui commençaient. Jordana qui s'y colle avec Fab. Jordana, sois bonne, hein, d'accord? Oui, oui, oui. Jordana, est-ce que tu te sens prête? Je veux t'entendre crier. Ouais. Ah voilà, ça c'est une candidate. Attention, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Jordana, rock voisine, y chantait dans sa chanson Je suis seule sur la plage. Bien. Dans une piscine, il y a deux l'eau. Rihanna, elle fait de la chanson. Oui, mais le mot. On dit pas elle fait de la chanson, elle fait de la musique. Merde. Police. C'est un arbre avec des trucs pointus verts. Il y en a que dans les pays chauds. C'est des palmiers. Ça fait 4 points pour l'équipe de Jordana et de Fab. Exactement le même score que la première fois. Alors on va voir, Jordana, si du coup Arnaud il arrive à faire mieux que ça. Il faut faire mieux que 4, Arnaud, d'accord? Je te mets pas la pression, mais je te la mets quand même un peu, d'accord? Attention Arnaud, c'est reparti. Il faut faire mieux que 4. 3, 2, 1, let's go. Alors Arnaud, il y a les bonbons et il y a d'autres choses aussi qu'on adore quand on est petit. Les chics. Non, l'autre. Les chewing-gums, les sucettes. Ouais, mais normalement on dit pas. Je sais qu'à Liège on dit des chics, mais normalement on dit autre chose que les chics. Ah non, à Liège c'est les chics. Ouais, il y a les petits princes, il y a les... Ah, les biscuits, pardon, voilà. Ouais, voilà. Non, on met de l'amande dedans, c'est un cocktail. Mojito. Oui. Parfait. Oui. Quand on va à la piscine, on doit emporter un. Mayo. Oui. Voilà, à Bruxelles, le ciel n'est jamais... Ah, c'est fini, les gars. Yes, Jordana, bravo. Excusez-moi, j'ai une pénalité, hein, excusez-moi. Comment ça t'as une pénalité? Non mais il est liégeois et effectivement à Liège, voilà. On ne dit pas un biscuit, on dit une chic. Non, un chic, voilà. Une chic, non. Une chic c'est un bonbon, je sais très bien, arrêtez, essayez pas de m'enrouler. Non, c'est bon comme ça. Arnaud, j'appelle l'huissier de justice s'il vous plaît. Il y en a pas, on n'a pas de soucis. Arnaud, du coup tu repars avec un autocollant Fun Radio. Ouais. Bravo Arnaud, merci d'avoir joué avec nous. Je te fais des gros bisous Arnaud. Merci beaucoup, merci. Et je voudrais qu'on applaudisse quand même notre grande gagnante de ce soir, Jordana. Yes. Bravo Jordana, tu repars avec ton pack fun, tu raccroches pas comme ça, on t'appelle, on t'appelle non, mais on prend tes coordonnées, ça c'est mieux, d'accord Jordana? Ok, super, merci. Gros beaucoup. Bisous, passe une bonne soirée, félicitations à toi. On se refera le tic-tac-boom demain dans l'émission et si vous voulez venir jouer avec nous, venez nous faire un petit coucou là sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. On va faire le son de Justin Timberlake maintenant pour aller jusqu'à 20h. Il y aura Autonose aussi juste après et restez bien là parce que c'est la Libre Antenne qui débarque à partir de 20h avec Vince. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la Tribu. Alors 100 euros ce matin à rafler dans la boîte, un virement qui tombera directement sur votre compte en banque si vous trouvez ce qu'il y a dans la boîte de Sœur Khalid du jambon. Guillaume, quelle est ta proposition pour 100 euros ce matin? J'avais pensé à une boisson que je bois très souvent, c'est une autre banane. Sœur Khalid du jambon, est-ce que c'est cet objet qu'il y a dans la boîte? Guillaume, c'est la bonne réponse. Ouais. Evan et la tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Un site d'offre d'emploi traditionnel sait que vous recherchez un contrat à durée déterminée en tant que ouvrier de production dans la région de Liège. Notre consultante de Randstad en sait beaucoup plus. Bertrand, ah, ça c'est un vrai globe-trotteur. Entre deux grands voyages, il n'hésite pas à travailler pour pouvoir financer ses prochains projets. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Dans moins de 15 minutes, Vince arrive avec des gros cadeaux et une ambiance de ouf. Rendez-vous à 20h pour la Libre Antenne sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Radio. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star. You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Was it all in my face?